Chapitre 16e. Angelo Constantini raconte ainsi la première audience accordée par Louis XIV à Tiberio Fiorelli. Il se détermina d'y aller avec son habit de scaramouche, sur lequel il mit un manteau. Dès qu'il fut en présence de Sa Majesté, il jeta son manteau par terre et parut avec sa guitare, son chien et son perroquet. Il fit un concert fort plaisant avec ses deux bêtes, qu'il avait dressées à tenir leur partie, dont l'une était sur le manche de la guitare et l'autre sur un placet. Ces trois animaux firent si bien leur devoir que le roi prit en affection celui du milieu, qui était Scaramouche, de sorte que depuis ce temps-là, il a eu l'honneur de divertir ce grand prince pendant plus de 30 années, paraissant toujours nouveau dans ses manières, quoiqu'il ne changeât point de personnage. D'après un livre édité en 1695 par le fameux Claude Barbin et dédié à Son Altesse Royale Madame, il serait certain que le roi Soleil, s'il n'a pas servi à Molière une aile de poulet, n'a point dédaigné de se faire les chansons de Scaramouche. L'ayant un jour aperçu à son dîner, le roi voulut bien prendre la peine de lui verser à boire, de sa propre main, d'un vin étranger pour voir s'il était bon gourmet. Scaramouche eut bientôt avalé 2 verres de vin, et comme le roi lui demandait de quel pays il le croyait, Scaramouche lui répondit que le plaisir qu'il en avait eu en le buvant l'avait empêché de réfléchir. Le roi lui en donna encore en lui disant « Il faut que tu y penses à présent, car tu n'en auras pas davantage. » Scaramouche devina au second coup que c'était du vin de Piémont. Le cardinal Mazarin, l'ayant tiré à part, lui dit « Scaramouche, tu peux te vanter que le plus grand monarque du monde t'a versé à boire. » Tiberio répliqua gravement qu'il ne manquerait pas d'en rendre compte à son boulanger. Le roi, comprenant que l'honneur qu'il avait fait à Scaramouche ne lui donnait pas du pain, repartit aussitôt avec une générosité sans pareille. « Tu lui diras aussi que j'augmente ta pension de 100 pistoles. » Tiberio Fiorelli avait la taille haute et droite, la vue basse, l'oreille gauche plus que paresseuse et une épaule atrophiée. Il était, quoique très gros mangeur, d'une agilité extraordinaire. Son imagination était vive. Il avait l'esprit méfiant, avare, emporté. L'improvisation ne lui était pas facile, mais en récompense, la nature, au dire de Mezzettine, l'avait doué d'un talent merveilleux, qui était de figurer par les postures de son corps et par les grimaces de son visage tout ce qu'il voulait, et cela d'une manière si originale que le célèbre Molière, après l'avoir étudié longtemps, avoua ingénument qu'il lui devait toute la beauté de son action. Scaramouche, au commencement d'un hiver qui menaçait d'être fort rude, se présenta devant la reine-mère, vêtue d'un pourpoint et de haute chausse en taffetas. Les courtisans lui demandant par raillerie s'il prenait janvier pour juillet, il ne trouva de meilleure réponse à leur faire que de pleurer et de claquer des dents. La reine, douée d'un cœur très sensible, s'informa du sujet de ses larmes. « Hélas, madame, répondit-il, 3 disgrâces me sont arrivées ce matin. » Mon fidèle Barbet, que j'aimais autant que ma femme, est mort. Mon laquais m'a volé tous mes habits, sauf celui que j'ai sur le corps. Enfin, pour comble de malheur, comme je courais désespéré dans ma chambre, mon perroquet s'est enroué à crier « Au voleur !» Je lui ai donné un soufflet pour le punir d'avoir crié si tard, mais voulant seulement le châtier, je l'ai tué. En expirant, il m'a appelé 100 fois traître, et se voyant près du tombeau, il m'a chanté si mélodieusement « ut, ré, mi, fa, sol, la » que j'en suis inconsolable. Voilà, madame, 3 coups mortels pour le pauvre Scaramouche, et il faut que je sois assez malheureux pour être marié, car sans cela, dans le chagrin où je suis, je m'irai confiner le reste de mes jours dans un ermitage. J'y gagnerai, à vrai dire, de me voir délivré de l'importunité de mes créanciers qui ne cessent de me persécuter. » Cette bouffonne jérémiade valut à Scaramouche 60 louis pour remplacer son chien et son perroquet, et de plus un habit dont il lui fut permis de lever l'étoffe chez le marchand de la cour. « Ah ! » s'écria notre histrion, qui, après avoir pleuré de froid, se mit à répandre des larmes de joie. « Que voilà une agréable nouvelle apportée à ma pauvre femme, qui est grosse. « Est-ce qu'elle accouchera bientôt ?» demanda la reine avec intérêt. « Quand il plaira à votre majesté, » répondit Scaramouche. « Ma femme se fera toujours un devoir d'obéir aux ordres de la reine. » Avant d'entreprendre un petit voyage en Italie, Scaramouche alla prendre congé des principaux seigneurs de la cour. À chacun d'eux, il demanda une paire de bottes. On rit beaucoup, et ce fut à qui s'empresserait de contenter ce singulier désir. Il tomba 2 jours durant chez Scaramouche une véritable averse de bottes. On en aurait botté tout un régiment de cavalerie. Notre voyageur choisit la meilleure paire pour faire sa route, et de la vente des autres, tira de quoi se défrayer jusqu'à Florence.